Bonsoir. Ce soir, on va parler d'informatique. Pas de Windows, de Mac ou d'Amstrad. On ne va pas parler non plus d'installation de programmes, ni de retry, ignore or cancel, ni de CTRL-C, CTRL-V, mais d'informatique en tant que science fondamentale, et plus précisément, de calcul parallèle et intensif. On va aussi vous faire le coup de la panne et vous dire que tout ce qu'il faut pour les éviter. Vous révéler tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sujet sans jamais y penser. Nous sommes ravis ce soir d'accueillir Camille Coty, chercheuse en informatique. Nous sommes le 30 juin 2021, c'est l'épisode 453. Bienvenue dans Podcast Science. Et du coup, pour ce soir, nous avons autour de la table moi-même depuis Paris, Pascal depuis pas loin de Mulhouse, Cléora depuis Perduville. Bonsoir à tous. Camille Coty, notre invitée depuis Eugene en Oregon. Bonsoir. Et Alexa depuis Los Angeles. Salut tout le monde. Et au sommaire de cette émission ce soir, du coup, l'interview d'Alexa, qui interviewe Camille, et je te laisse la parole. Merci Johan. C'est un plaisir ce soir de t'accueillir, Camille, dans Podcast Science pour nous parler d'informatique. Donc, tu es maître de conférence en informatique à l'université Sorbonne Paris Nord à l'IUT de Villetaneuse, et tu es actuellement en sabbatique. C'est pour ça que tu es à Oregon, à Eugene. Alors, sabbatique pour un chercheur, c'est pas on va faire le tour du monde ou on va faire de l'humanitaire ou quoi que ce soit. Sabbatique pour un chercheur, c'est on va dans un labo, souvent à l'étranger, pour collaborer ou faire de la science avec une autre équipe. Et donc, ça veut dire que tu es en chercheuse invitée actuellement à l'université de l'Oregon à Eugene. Et en fait, plus pour très longtemps d'ailleurs, puisque tu démarres un nouveau poste à la rentrée à l'Université du Québec à Montréal pour y fonder ton équipe sur les thématiques qui t'intéressent et dont tu vas nous parler en détail ce soir, notamment le calcul parallèle et ses applications. Mais avant de rentrer dans le détail de tes recherches, comme on a finalement eu assez peu de chercheurs en informatique, est-ce que tu peux nous faire un panorama des grands thèmes de la recherche en informatique aujourd'hui ? Oui, bien sûr, merci. En ce moment, on entend beaucoup parler de machine learning, mais c'est que une partie de la recherche en informatique. La recherche en informatique, c'est vraiment très très large. Alors, on va avoir des questions fondamentales, donc par exemple, qui vont fournir des outils théoriques, par exemple sur les preuves. Par exemple, pour avoir des garanties de fonctionnement, pour savoir comment garantir que l'algorithme qu'on a, il va bien faire ce qu'on veut. Après, sur la programmation, comment, une fois qu'on implémente cet algorithme dans un programme, comment on peut garantir qu'il va faire ce qu'on veut. Sur la complexité, c'est-à-dire le nombre d'opérations à faire, etc. On a des problèmes algorithmiques de calcul. Donc, par exemple, ce qu'on appelle la recherche opérationnelle, qui est un très vieux domaine, qui date même d'avant l'informatique, qui est à la limite avec tout ce qui est business, logistique, etc. Ou ce qu'on va chercher à optimiser, on va chercher à optimiser quelque chose. Donc ça peut être de la logistique, ce qu'on va mettre dans des containers, etc. Des tournées de véhicules, voilà. C'est ce qu'on appelle des problèmes difficiles dans le sens alors on dit difficile, c'est pas dans le sens qu'on a l'habitude de l'utiliser, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de possibilités à explorer pour avoir un bon résultat. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications en plus pour, par exemple, l'ordonnancement de choses, de calculs, de machines, etc. dans les data centers. Il y a des domaines qui sont aussi à l'interface avec d'autres disciplines. Donc, par exemple, en IHM, on trouve des psychologues, en traitement automatique des langues, on trouve des linguistes. En logique, on trouve des philosophes. On a la physique mathématique, on a des problèmes de combinatoire où on trouve des physiciens, des mathématiciens, etc. Alors, est-ce que tu peux nous repréciser IHM, ce que c'est exactement ? Ah, oups, pardon, interface aux machines. Interface aux machines, d'accord. Il y a toute une communauté assez grosse qui s'intéresse aux problèmes de transmission des données, donc aux réseaux. Alors ça, pour les réseaux, on a le Wi-Fi, les réseaux filaires. Mais aussi, on a des réseaux spécialisés, donc par exemple dans des contextes d'utilisation comme en ville ou dans les champs ou dans une maison ou partout dans le monde, etc. Et il y a toute la sécurité au sens large. Alors, on a l'habitude de voir la crypto qui sert à chiffrer ses communications, mais on peut aussi vouloir durcir des équipements, par exemple, si on peut pas intervenir souvent ou alors pas du tout sur ces équipements. Par exemple, dans l'IoT, donc l'Internet of Things, on a des objets qui sont connectés en permanence. L'utilisateur, il va pas forcément vouloir souvent les mettre à jour. Donc, on n'a pas envie que ce soit détourné pour autre chose. Donc, il y a des grosses problématiques de sécurité là-dessus. Par exemple, si vous avez un frigo connecté, vous n'avez pas envie que quelqu'un puisse installer du contenu illégal dessus, etc. Vraiment, là, il y a beaucoup de domaines que j'ai pas cités. Je suis désolée pour les gens qui nous écoutent qui en font. Mais en plus, moi-même, enfin, j'ai été en contact avec d'autres thématiques via les labos par lesquels je suis passée, mais là encore, c'est tellement large que moi-même, je peux pas tout connaître. Et évidemment, il y a le calcul à haute performance. Qui est donc ce que tu fais. En tout cas, d'après ce que tu viens de nous dire, on se rend compte que la recherche finalement assez fondamentale en informatique, on touche à énormément de domaines et surtout à énormément d'applications qu'on a dans la vie de tous les jours. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer justement ce que tu fais, quels sont tes champs de recherche principaux et pourquoi tu as choisi de travailler sur ces thèmes parmi la totalité de thèmes qu'on a en informatique ? Pour avoir de la grosse puissance de calcul. Non, c'est un petit peu une évolution parce que moi à la base je suis ingénieur en télécom et donc on s'intéresse aux communications et comment on va faire communiquer plusieurs ordinateurs entre eux et puis au bout d'un moment quand on fait communiquer plusieurs ordinateurs entre eux, on arrive à les faire collaborer ensemble pour un même calcul et c'est du calcul parallèle. Et alors c'est une thématique qui m'intéresse aussi parce qu'elle est très large. On va avoir des problèmes d'optimisation, on va avoir des problèmes de génie logiciel pour concevoir des logiciels qui vont être performants et qui vont être maintenables. On va avoir des problèmes vraiment d'optimisation de code, d'adaptation du code à l'infrastructure matérielle qu'on a. On a des problèmes aussi d'adaptation des applications. Donc, il faut bien connaître ces applications pour les rendre efficaces, pour les découper, pour savoir comment on va les faire. On veut avoir un calcul qui soit correct, mais tout en étant adapté à la machine sur laquelle on travaille. Donc, c'est un domaine qui me plaît parce que c'est assez large. Ça fait appel à beaucoup de compétences pour, au final, avoir un but, c'est-à-dire calculer le plus vite possible. D'accord, donc qui effectivement est le grand défi des grands défis aujourd'hui qu'on a avec beaucoup de choses qui reposent sur ce genre de calcul. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail ce que c'est exactement que le calcul parallèle ? Alors, prenez votre ordinateur il y a 15 ans. Vous aviez un microprocesseur qui était capable de traiter un flux d'instructions sur des données à la fois. Alors maintenant, vous vous dites, voilà, j'ai beaucoup de données, je vais vouloir traiter ces données en même temps. Donc, sur votre ordinateur actuellement, il y a plusieurs cœurs, et chaque cœur est capable de faire une partie du calcul. Donc déjà, votre ordinateur personnel, c'est un calculateur parallèle, puisque vous avez plusieurs cœurs. En plus, il y a des registres spéciaux qui permettent d'appliquer la même instruction sur plusieurs données. Donc, en plus, on va extraire du parallélisme de cette façon-là. Alors maintenant, vous prenez des ordinateurs comme les vôtres, vous en mettez plein dans la même salle et vous les reliez par un réseau. Et donc ça vous fait une machine parallèle distribuée. Donc en communiquant les données via ce réseau, votre machine elle va être capable, donc votre supercalculateur que vous venez de construire, il va être capable de travailler sur un programme de manière collaborative où on va avoir chaque ordinateur et chaque cœur de chaque ordinateur qui va travailler sur un bout des données, un bout du programme. Et quand il va falloir échanger des données parce que là-bas, il y a un bout du calcul qui a besoin d'un résultat qu'on a calculé avant, et ben ça va communiquer par le réseau. Donc, c'est ça, en fait, une machine parallèle. On a plusieurs unités de calcul qui sont reliées d'une façon ou d'une autre. Donc, ça peut être dans la même machine ou ça peut être dans des machines différentes en étant reliées par un réseau et qui travaillent de manière collaborative à faire un même calcul. Donc, j'imagine avec beaucoup plus de performance à la clé. Voilà. Donc, le but de la recherche en calcul à haute performance, c'est d'être capable d'exploiter ces machines-là et d'être capable d'en tirer la performance maximale. Alors, il me semble que tu voulais nous parler aussi des machines les plus puissantes du monde. Je crois qu'il y a un classement. Voilà, il y a un classement des machines les plus puissantes du monde. Alors, les machines les plus puissantes du monde qui soumettent un score à ce classement. Donc certaines ne le font pas parce que elles ont pas envie qu'on sache qu'elles existent, parce que etc. Mais bref, les machines qui se déclarent à ce classement, donc c'est ce qu'on appelle le top 500. Donc on vous donnera le lien. Elles passent un benchmark, toutes le même. Elles sont complètement libres pour l'optimiser. Donc, vous avez des gens qui travaillent sur l'optimisation de ce benchmark pour le faire tourner le plus vite possible sur cette machine en particulier. Et à la fin, donc tout le monde fait ce calcul correctement. À la fin, chacun a un score et on classe les machines selon ce score. Donc, c'est assez important et c'est assez intéressant pour pas mal de monde. Donc, ce classement, évidemment, il est utilisé... il est utilisé par les fabricants de machines pour dire regardez, on a des machines, on a la machine numéro 1, donc on a tant de machines dans les 10 premières, tant de machines dans les 100 premières, donc ça permet aux fabricants de machines de dire vous voyez, mes machines, elles sont belles, elles sont rapides. Ça permet aux centres de calcul de faire un retour à leurs financeurs et de dire voilà, vous nous avez donné de l'argent pour faire une machine, on a fait une machine, elle est numéro tant au top 500. Et alors moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir l'évolution matérielle et de voir, en utilisant ce matériel-là, ça donne des machines très puissantes. Il y a tant de machines dans le top 500 qui utilisent ce matériel. Dans le top 500, il y a toutes les machines ont plus de 10 000 cœurs. Il y en a tant qui ont plus de 100 000 cœurs, etc. Alors, toutes les machines ne sont pas dedans, comme je disais plus tôt. Il y a des machines militaires notamment qui sont pas dedans. Alors je n'ai aucune information là-dessus parce que c'est un petit peu le principe. Mais voilà, il y a des machines dont on n'a pas forcément envie que tout le monde le sache. Et il y a aussi des machines qui se mettent pas dedans par choix, qui sont très puissantes et qui se mettent pas dedans par choix, qui disent qu'elles veulent pas être classées, pas être comparées, etc. D'accord. Quels sont les grands défis d'un point de vue recherche? Là, tu nous as parlé de ces machines, tu nous as parlé de ce que c'était que le calcul parallèle intensif, mais quels sont les défis qui restent dans cette discipline aujourd'hui? Est-ce que on bute sur des choses en particulier? Alors, la problématique vraiment qui sous-tend tout le monde, c'est voilà, on a ce matériel, on construit des machines, comment l'exploiter le mieux possible, le plus efficacement possible? Parce que si vous mettez trois machines à 3 gigahertz, vous allez pas obtenir 9, si vous mettez trois machines qui sont capables de traiter 3 milliards d'instructions par seconde, vous allez difficilement de manière générale obtenir 3 x 3 donc 9 milliards d'opérations par seconde. Mais on veut s'en rapprocher le plus possible. Donc, le problème de base, c'est ça. Comment on va exploiter au maximum les ressources de calcul qu'on a, qui sont très puissantes actuellement? Donc, pour ça, moi, je vois deux axes. Il y en a un, c'est ce qu'on appelle, on parle tous dans la communauté de ça, c'est le passage à l'exascale. C'est-à-dire comment on va passer à des machines qu'on dit hexafloppiques. C'est-à-dire qui sont capables de faire 10 puissance 18 opérations à virgule flottante par seconde. Donc là, on parle de machines qui sont d'une taille monstrueuse, qui ont des problématiques dans tous les coins, et avec lesquelles, il y a beaucoup de choses qu'on peut pas faire parce que ça coûte trop cher à cette échelle-là. Donc là, comment on va faire pour avoir des programmes qui sont capables d'exploiter le mieux possible des machines de cette taille-là? Alors ça va être, comme on a un grand nombre d'unités de calcul, ça va être éviter les synchronisations, avoir un nombre d'étapes bas quand on a besoin d'effectuer une opération, par exemple une opération collective, la tolérance aux pannes, la consommation énergétique aussi, parce que là ça devient un problème vraiment très très important. Et l'autre problème que moi je vois, c'est comment rendre le calcul à haute performance accessible. Parce que on fait pas du calcul à haute performance pour s'amuser, pour griller de l'énergie sur du silicone qui va chauffer. Le calcul à haute performance, c'est fait pour faire des calculs, mais des calculs d'autres sciences. Donc on va avoir des physiciens, on va avoir des biologistes, on va avoir des climatologues, etc., qui vont avoir besoin de ces ressources de calcul et qui vont écrire leurs programmes pour bénéficier de cette puissance. Et une question très importante, c'est comment on va rendre accessible le calcul à haute performance à des gens qui en sont des utilisateurs. Donc, c'est-à-dire avoir par exemple des modèles de programmation de plus haut niveau où ils vont pouvoir exprimer leurs problèmes et pas avoir besoin de trop mettre, ils vont pas avoir besoin de mettre trop les mains dans le cambouis pour optimiser avec la taille de cache et les registres et machin, etc. Pour qu'ils puissent se concentrer sur leurs questions scientifiques. Et aussi qu'ils aient pas forcément besoin de passer du temps à optimiser leur programme, mais que qu'on ait des outils qui optimisent bien les programmes pour qu'ils aient une performance très bonne sans avoir à mettre là aussi à faire des trucs d'informaticien, à aller optimiser aux petits oignons, etc. Du coup, si je résume, les gros défis, c'est le passage à l'exascale et rendre le HPC plus accessible aux utilisateurs, aux scientifiques, etc. Je me posais juste une question, donc tu as parlé de 10 puissance 18, comparé à genre par exemple une machine, un laptop standard, nous ce serait combien? Bah, on va faire un petit calcul. Ton laptop, il a un microprocesseur cadencé à quoi? 3 GHz, on va dire? Oui. Il a combien de cœurs? Il a 4 cœurs. Et sur chaque cœur, on est capable de faire actuellement... Alors, pendant très longtemps, on était capable de faire 4 opérations par cycle. Maintenant, on est plutôt à 16. Donc, tu as 4 cœurs qui font chacun 3 milliards de cycles d'horloge. Bah, je prends une calculette. On a 4 cœurs qui font chacun 3 milliards, donc 3 fois 10 puissance 9. Donc on a 12 milliards de cycles par seconde sur tes 4 cœurs et chaque cycle fait 16 opérations. Donc ça fait, il y a beaucoup de chiffres là, ça fait 192 gigaflops. Ce qui est très puissant par rapport aux machines qu'il y avait il y a longtemps. Mm-hmm. Et après le giga, il y a le tera, le peta et l'exa. Donc on est quand même à pas mal d'ordre de grandeur aussi. Ouais, d'accord. Donc c'est vraiment énorme comparé à ce qu'on a. C'était juste pour faire un peu une comparaison. Et Cléora, je crois qu'on avait une question d'un auditeur. Oui, qui nous demande si c'est vrai que la NSA a autant de puissance que tous les autres réunis. Oula. La NSA et le ministère de la Défense américain, c'est des très gros consommateurs de puissance de calcul. Évidemment, les ressources de calcul de la NSA ne sont pas publiques. Donc, je n'en ai aucune idée. Alors, on va revenir à tes recherches. Quelles recherches mènes-tu, toi, particulièrement sur ce sujet? Moi, la partie sur laquelle je travaille, c'est ce qu'on appelle l'environnement d'exécution. C'est un système distribué qui va orchestrer toutes les ressources de calcul et qui vont permettre à l'application de s'exécuter là-dessus. Donc, il va fournir des outils qui va permettre à l'application de s'exécuter sur les ressources de calcul qu'on a. Donc, je travaille alors notamment sur des problématiques de passage à l'échelle, comme la tolérance aux pannes, mais pas seulement. Je fais un petit peu d'optimisation aussi, un petit peu d'analyse de performance. Alors ça va beaucoup ensemble parce que je vais analyser les performances de mon calcul pour ensuite pouvoir l'optimiser, savoir là je passe du temps, là ça vaut le coup, là si je modifie ça, ça va passer plus de temps, si je modifie ça, ça va tourner plus vite, etc. Donc c'est un petit peu deux problématiques qui vont ensemble. Enfin, dans ma pratique, l'optimisation et l'analyse de performance se servent l'un l'autre. Et un petit peu aussi sur les modèles de programmation, donc sur cette problématique de à la fois fournir des outils aux programmeurs, donc aux scientifiques qui vont utiliser ces applications, mais aussi rendre facile l'expression de rendre facile l'expression de leurs problèmes et de leurs calculs donc sur ces machines-là. Donc on a des modèles qui existent, mais les applications parfois elles ont des caractéristiques qui les rendent difficiles à paralléliser dans ce modèle-là. Donc on travaille sur d'autres modèles qui permettent d'exprimer d'autres schémas de calcul et d'autres schémas de communication. Donc voilà. Donc mes recherches, c'est surtout sur l'environnement d'exécution qui va servir les ressources de calcul et qui va orchestrer qui va servir les applications et qui va orchestrer les ressources de calcul pour qu'elles soient utilisées par les applications. Et alors à l'occasion, je travaille un petit peu sur des applications. Le truc, c'est que moi, je suis pas physicienne, je suis pas mathématicienne, etc. Donc dans ces cas-là, je collabore avec des gens qui ont des applications et qui bute parce que les approches habituelles ne suffisent pas. Et donc là, je vais chercher à mieux à modifier leurs calculs, à modifier leur schéma de calcul et de communication pour avoir quelque chose qui fonctionne mieux. Et donc ça peut être par exemple mieux exploiter l'environnement d'exécution, éventuellement en ajoutant des fonctionnalités à l'environnement d'exécution pour proposer une autre approche de leur calcul pour mieux exploiter les ressources. Alors, ça semble crucial pour toutes les infrastructures qui nous entourent, en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces applications dont tu parlais, justement? Alors, il y en a beaucoup. Une application que je cite beaucoup, parce qu'à l'époque, ça m'a marqué. J'étais assez jeune quand on a arrêté les essais nucléaires à Mururoa. Et je me rappelle que le président de l'époque, Jacques Chirac, a dit « bah c'est le dernier, c'est pour valider les modèles, et maintenant, on va les simuler. On va simuler ça in silico. » Donc, le nucléaire est un gros client du calcul à haute performance parce que maintenant on simule et on fait plus ça en vrai. La climatologie aussi, c'est des gros utilisateurs des ressources de calcul. Ce qu'ils font, c'est qu'ils conçoivent des modèles pour le climat et après ils simulent pour voir comment ça évolue. Et après ils se rencontrent et puis ils comparent ce que font leurs modèles. Mais donc c'est des gros utilisateurs du calcul à haute performance parce qu'ils simulent ce qui va se passer dans leurs modèles. On a aussi les prévisions météo. Hein, si vous avez la météo le lendemain, c'est parce que ça a tourné pour calculer ce qui va se passer. L'industrie pétrolière. Je travaille avec des gens qui font aussi beaucoup de simulations d'écoulement. Donc par exemple pour optimiser des surfaces, pour rendre un avion plus aérodynamique, etc. Alors, tu nous as parlé aussi de la tolérance aux pannes, tu travailles là-dessus. Dit comme ça, ça semble effectivement crucial pour une infrastructure informatique. Alors évidemment, je pense qu'on a tous en tête des bugs, des logiciels récurrents qui fait qu'on les abandonne. Ceux qui se souviennent de Windows Millennium, par exemple, auront ça en tête. J'imagine que pour toi, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une panne en informatique et pourquoi il est important d'étudier ce sujet, notamment d'un point de vue de la recherche? Alors, en calcul distribué, on a plein de types de pannes parce qu'il y a plein de raisons pour que ça se passe mal. Donc là, tu penses aux pannes logicielles. Ça peut arriver en calcul haute performance, par exemple, quand l'ordonnanceur de travaux a un bug et il dégage notre calcul alors qu'on avait encore du temps à faire. Mais ça, on essaye d'éviter que ça arrive parce qu'on essaye d'utiliser des logiciels qui n'ont pas de bug. Alors, ça arrive toujours, hein, évidemment. C'est très difficile d'avoir des logiciels dont on va être sûr qu'ils vont pas avoir de bug. Et c'est tout un domaine et d'application pour les systèmes critiques. J'aimerais bien qu'un centre de calcul soit un système critique, mais malheureusement, il y a d'autres priorités comme les centrales nucléaires et les avions. Donc, ça peut arriver qu'il y ait un bug, mais on essaie d'éviter quand même. Alors, on a aussi des problèmes avec les transmissions réseau. Par exemple, on peut avoir... Voilà, vous envoyez un message entre deux machines, le message peut être perdu. Donc là, on a celui d'avant, on a celui d'après, mais on n'a pas celui du milieu. Un message peut être dupliqué, l'ordre des messages peut être modifié, etc. On peut aussi avoir ce qui arrive, c'est que dans notre calcul, on peut avoir un 1 qui se transforme en 0 ou inversement. Donc par exemple, c'est quand la machine se prend un rayon cosmique, tac, il y a un 1 qui se transforme en 0 ou l'inverse. Donc ça, c'est plutôt des pannes logicielles. Moi, je m'intéresse à des pannes qu'on appelle des pannes crash, ou alors on parle du modèle fail-stop. En fait, on a une ressource qui fonctionne parfaitement bien, juste au moment où elle marche plus du tout. Et donc, une fois qu'elle marche plus, elle marche plus pour toujours. Donc, une fois que la machine est en panne, elle est en panne. Donc, ça va correspondre, par exemple, à une machine qui a une panne matérielle. Donc, par exemple, un disque qui va cramer ou ça surchauffe tellement que la machine s'arrête. Donc, ça peut être causé par un ventilateur qui marche plus. Ça peut être causé par la machine qui est prise en sandwich entre deux machines qui font des calculs très, très rapides et puis très, très, très intenses et qui vont surchauffer les voisines. Ou alors simplement quelqu'un qui passe en sonne machine et qui se prend les pieds dans le câble et tac, ça débranche. Ça peut arriver, ça arrive. Alors, un truc qui est difficile aussi, c'est qu'on n'a pas beaucoup de chiffres sur ces pannes. On sait que statistiquement, plus on a de composants dans la machine, plus les pannes vont être fréquentes. On peut faire des estimations parce qu'on connaît un petit peu, on a une idée de la fréquence de panne. Donc, on appelle du temps moyen avant défaillance d'un composant. Donc voilà, vous avez un certain nombre de composants dans une machine pour un temps moyen avant défaillance donné, au bout de combien de temps il y en a un qui va tomber en panne. Bon, ça c'est des statistiques pas très compliquées. On sait que très rapidement on va avoir que quelques heures de temps moyen avant défaillance. Mais c'est un chiffre que les centres de calcul aiment pas trop donner. Alors par contre, il y a une machine qui l'a donné sur sa phase de pré-production, c'est une machine qui s'appelle Blue Waters qui vient d'être décommissionnée, il me semble. C'est une machine qui est un petit peu particulière parce que eux, ils étaient pas au top 500, etc. Donc ils sont permis de donner pas mal d'infos. C'est une machine qui était vraiment très très intéressante et notamment sur leur phase de pré-production, il y avait une panne toutes les 4,18 heures. Donc si vous avez un calcul qui utilise toute la machine qui dure 4,18 heures, il y a une chance sur deux pour qu'il arrive pas au bout et qu'il y ait une panne. Donc il faut être capable de les tolérer. Et elle faisait quoi cette machine Blue Waters? C'était un centre de calcul comme les autres civils. Elle était à Urbana-Champaign. Ah d'accord, ouais, qui est donc une grande université américaine qui a d'ailleurs beaucoup d'ingénierie. Est-ce que tu peux nous parler de tes travaux à toi sur les pannes? Alors, au début, pendant ma thèse, j'ai travaillé sur le retour sur point de reprise. Donc l'idée, c'est que on enregistre l'état de l'application comme si on prenait une photo. On prend un instantané et on le sauvegarde quelque part. Et si le nœud tombe en panne, si notre calcul tombe en panne, on reprend cet instantané, on relance l'application sur un autre nœud de calcul. Alors comme c'est une application parallèle distribuée, il y a plein de processus qui s'envoient des communications, etc. Donc là, on a des algorithmes distribués qui vont être là pour maintenir la cohérence de l'application après un retour sur point de reprise. C'est-à-dire que, on fait un retour sur le point de reprise, on va pas attendre un message qui sera jamais envoyé parce que l'émetteur, il est beaucoup plus loin dans le calcul, etc. Donc, on a des algorithmes qui permettent de maintenir la cohérence du calcul. Alors ça, j'en fais toujours. Je regarde comment ces algorithmes peuvent fonctionner dans d'autres modèles de communication qui nous fournissent pas les mêmes hypothèses sur ces algorithmes distribués. C'est une approche qui est très intéressante parce qu'elle est transparente pour l'application. Donc, on n'a pas à modifier l'application pour la rendre tolérante aux pannes. Et il y a toujours des gens qui travaillent sur cette application, sur cette approche, qui vont chercher alors à réduire le coût lié à la sauvegarde de toute l'application. Donc, soit en sauvegardant moins de choses, soit en sauvegardant seulement beaucoup moins souvent pour sauvegarder seulement les choses dont on a vraiment besoin. Et je travaille aussi sur une autre approche qui est la tolérance aux pannes dans l'application. Donc là, ce que je fais, c'est que j'exploite des propriétés algorithmiques et algébriques du calcul pour pas avoir à tout enregistrer comme quand on enregistre un instantané. Mais quand un processus tombe en panne, on en lance un, et il va récupérer juste ce qu'il lui faut pour reprendre sa place dans le calcul. Donc l'idée, c'est que il y a des bouts de données qui sont ailleurs dans le calcul qui vont nous permettre de récupérer notre place dans le calcul sans avoir à tout recalculer. Donc actuellement, il y a un doctorant qui travaille avec moi, qui termine sa thèse, qui applique cette approche à ce qu'on appelle des noyaux de calcul, c'est-à-dire des opérations élémentaires qui sont appelées par les applications. Et il a vraiment des très jolies performances dans le sens où ce qu'on va regarder, c'est le surcoût qui est lié à la tolérance aux pannes, donc ça c'est très faible, et combien ça nous coûte d'avoir une panne dans le calcul. Donc si on exécute un calcul, il y a un processus qui tombe en panne, on relance un processus, on lui fait reprendre la place dans le calcul et on va terminer le calcul, quel temps en plus ça prend par rapport à si ça s'était bien passé et qu'il n'y avait pas de panne qui était arrivée. Et il a vraiment des très jolies performances. Alors, il y a très très peu de surcoûts. Alors, dans le cadre de son doctorat, il s'intéresse aussi à quelque chose, à ce que peuvent nous apporter les méthodes formelles et notamment la modélisation, parce que quand on a une panne, elle va pas arriver au moment qui nous arrange. Donc, on veut que notre algorithme, il soit capable de rétablir son état, quel que soit le moment où arrive la panne. Alors, nous, on va pas forcément penser à toutes les possibilités. Du coup, il utilise des techniques de modélisation. Il modélise son algorithme. Il dit, voilà, il y a une panne, elle peut arriver n'importe quand. Et les outils, les techniques des méthodes formelles permettent de dire, voilà, dans tous les cas, quel que soit le moment où ça arrive, quel que soit l'ordre d'exécution des opérations qui sont pas ordonnées, ça va bien se passer. Donc l'idée c'est que le calcul soit capable d'arriver au bout et quelles que soient les hypothèses, à part le nombre de pannes simultanées là, parce que si on a trop de processus qui tombent en panne, on va pas arriver à récupérer son état. Donc contrairement à l'approche où on prend des instantanés, l'application, elle a besoin d'être modifiée. Donc, la personne qui écrit le programme doit tenir compte de la tolérance aux pannes et elle doit savoir quelles sont les propriétés de son calcul pour savoir quoi sauvegarder, où le sauvegarder, comment récupérer son état après la panne. Alors, l'approche qu'on a avec mon doctorant, c'est de fournir une bibliothèque qui fournit des opérations de calcul de base. Donc, les applications vont les appeler. Par exemple, voilà, j'ai besoin de faire une factorisation matricielle, j'ai pas besoin de savoir comment je fais une factorisation matricielle, j'appelle une bibliothèque qui factorise ma matrice. Et donc là, si ça tombe en panne dans l'appel à cette bibliothèque, la tolérance aux pannes est gérée donc par nous. Donc l'utilisateur, voilà, il a son noyau de calcul qui fait le calcul et qui fait le calcul de façon tolérante aux pannes. Donc au moins là-dedans, dans cette partie-là du calcul, il n'a pas à s'occuper de la tolérance aux pannes. Donc en fait, si je résume ce que tu viens de dire, donc pour les gens qui n'ont pas l'habitude de factorisation de matrices, etc., tu fournis en fait l'approche avec ton doctorant, c'est de fournir une bibliothèque qui va permettre de rendre tout ça transparent. Voilà. Donc ça, c'est une approche assez courante de fournir des briques de base de l'application. pour que bah voilà, j'ai besoin de faire cette opération qui est courante, j'appelle une bibliothèque qui me fournit cette opération qui est courante, l'application, la fonction dans la bibliothèque, elle est déjà super optimisée, etc. Ouais. L'application, elle a pas à s'en occuper. Et nous, on ajoute à ça le fait que ce soit tolérant aux pannes. J'avais une question aussi quand tu disais que ton doctorant avait réussi à prouver que t'étais que ton code finirait selon tout un tas de paramètres. Ça, du coup, c'est des preuves qui sont faites théoriquement, c'est-à-dire qu'il le prouve avec un papier crayon ou il le prouve avec en essayant tous les cas de figure sur un ordi. Alors c'est à peu près la même chose, j'en sais rien. les deux sont possibles. Alors, ce qu'il fait, c'est que ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on fait un modèle. Et il y a plusieurs techniques de ce qu'on va faire dans ce modèle. Soit on donne le modèle à manger à un outil qui va, comme tu dis, essayer toutes les possibilités. Donc à chaque fois qu'il y a une chose qui est faisable, chaque fois qu'il y a une étape qui est franchissable, eh ben on va le faire, on va regarder comment ça se passe ensuite. Donc là, on explore exhaustivement ou quasi exhaustivement toutes les possibilités. L'autre façon de faire, c'est de regarder ce qu'on appelle des invariants. Donc ça va être c'est papier crayon et c'est vraiment des opérations élémentaires. Donc par exemple, le nombre de processus dans cet état-là plus le nombre de processus dans cet état-là doit rester constant. Et donc on regarde ces invariants et on exprime les propriétés qu'on veut en termes d'invariants et on regarde si c'est vérifié. Donc Léora, il y avait des questions, je crois. Alors oui. Donc il y a une question de Lutin par rapport à un peu plus haut sur les défis relevés à grande échelle en fait. Tu as parlé de éviter les synchronisations et à se demander qu'est-ce que ça voulait dire exactement. Bah imagine tu as un programme avec beaucoup de processus, donc beaucoup d'unités de calcul, t'en as 1 million et t'as une donnée et par exemple la température de début du calcul. Tu veux fournir cette donnée à tous les processus. Donc, tu veux la fournir à tous les processus de ton calcul. Alors, pour ça, on a des opérations qu'on appelle des communications collectives. On peut faire ça avec un nombre minimal d'étapes. On peut envoyer la donnée à tout le monde. Maintenant, le problème, c'est que tous tes processus, là, ils attendent la donnée de démarrage. Ils attendent de savoir à quelle température ils vont démarrer. Et pendant qu'ils sont en train d'attendre, ils sont pas en train de calculer. Donc, si tu as 3 processus qui sont en train d'attendre, tu vas perdre quelques cycles d'horloge. Voilà. Si tu as 100 000, 1 million de processus qui sont en train d'attendre, ça commence à faire beaucoup de cycles d'horloge que tu vas passer à attendre. Donc, ce que j'appelle éviter les synchronisations, c'est ça. C'est quand on synchronise, il va y avoir des processus qui vont en attendre d'autres. Et quand ils sont en train d'attendre, ils sont pas en train de calculer. Donc, c'est des ressources de calcul gâchées. Ok. Ça me paraît clair, en tout cas. Et une question d'un autre auditeur. Donc là, je connais pas du tout. Avez-vous déjà créé un smart contract Ethereum? Et il parle de blockchain après. Alors, personnellement, je n'en fais pas. Et c'est le genre de choses sur lesquelles on. C'est assez gourmand en calcul. Et, Déjà, qu'est-ce que c'est? Parce que moi, je ne connais pas du tout. Smart contract Ethereum. Oh là là. Sinon, passe. Hein. Ouais. La blockchain, etc., c'est intéressant parce que c'est des systèmes qui sont complètement distribués, mais ça a rien à voir avec ce que je fais. Je suis vraiment pas spécialiste. Ok. Donc, c'est trop spécifique par rapport à ce que tu fais. Ouais. C'est ça que tu veux dire? Ouais. Et c'est pas du tout des choses qu'on vise avec. Alors, on a des grosses ressources de calcul, ce qui est intéressant, mais c'est vraiment pas le genre de choses. On essaie de les utiliser pour faire autre chose. Pour ceux que le sujet intéresse, on en avait traité dans le podcast Science 187 sur les bitcoins. On avait pas mal développé la blockchain. C'est un dossier de tup de mémoire. Très intéressant, d'ailleurs, je l'ai écouté. Donc allez écouter ce dossier si ça vous intéresse. Pour revenir sur cette question des pannes, j'ai une question qui est peut-être naïve. Il me semble important pour la sécurité informatique de bien comprendre ces pannes. Est-ce que ces travaux permettent d'offrir des systèmes plus sécurisés? Alors là, la question que tu poses, en fait, c'est la question de la différence entre la sûreté et la sécurité. Ouais. La sécurité, c'est j'ai envie que mes données soient bien protégées, j'ai envie qu'on puisse pas s'introduire dans mon système, ce genre de choses. Moi, ce que je fais, c'est de la sûreté. S'il y a un problème, s'il y a quelque chose qui tombe en panne, on répare et on continue et on arrive au bout de notre calcul. D'accord. Donc du coup, effectivement, c'est deux choses qui sont un peu différentes. Tu nous as parlé des applications, de tout ça assez brièvement, mais j'aimerais bien qu'on aille un peu plus en détail là-dessus. Ces deux thématiques, elles sont extrêmement utiles, comme on l'a vu, pour beaucoup de technologies. Est-ce que tu as des exemples directs de l'application de ton travail à toi? Et est-ce que tu es aussi impliqué dans ces applications-là? Alors, moi, je fournis des outils. Donc, j'ai participé par exemple à j'ai participé notamment à des environnements de programmation parallèle. On peut dire voilà qu'il y a des résultats de mes travaux qui sont utilisés par des centres de calcul partout dans le monde, mais moi je touche pas directement aux applications assez rarement. Par contre, des applications qui nous touchent tous, des applications du calcul haute performance, par exemple, une application, c'est les prévisions météo, parce que on s'intéresse tous à la météo, notamment toi et moi qui sommes sur la côte ouest en ce moment, qui avons très chaud. Météo France en France, qui a des très belles machines. Alors en ce moment, il y a Taranis qui est 30e au classement et Belenos qui est 34e. C'est des gros consommateurs de calcul scientifique. Ils ont leur propre machine et ils font du HPC pour leur calcul scientifique. Et aussi, j'en ai cité un petit peu plus tôt. Je l'ai cité. J'aime bien citer l'arrêt des essais nucléaires. Alors, je suis pas impliqué dans ce genre de choses parce que j'y connais rien en physique, mais ça m'arrive d'aider des gens à optimiser des calculs de physique, par exemple. Mais je m'approche rarement des applications finales comme ça. D'accord. Et il y a d'autres questions aussi que j'avais sur est-ce que tu as des projets un peu dingues sur lesquels tu voudrais travailler? Parce que j'imagine que c'est comme dans n'importe quelle recherche, tu es un peu limité par tes financements et le temps que tu as, etc. Est-ce que tu as des idées de choses un peu incroyables que tu pourrais faire? Alors moi, c'est vraiment exploiter ces grosses machines à plein régime. Pour le moment, j'ai vraiment accès à des belles machines. D'ailleurs, faudrait en parler quand même au passage. En France, on a des machines qui sont vraiment très très intéressantes et qui sont parmi les plus grosses du monde, avec ce qu'on appelle le grand équipement national de calcul intensif, le GENCI. Mm-hmm. Et en Europe, on est en train de mettre en place des machines qu'on dit pré-exascale avec EuroHPC, qui sont des machines vraiment très très grosses, très très puissantes. Et je fais des expériences sur ce type de machines pour voir comment se comportent mes outils quand on les fait passer à l'échelle, par exemple. Donc, ce qu'on appelle passer à l'échelle, c'est quand on augmente le nombre de processus utilisés. Donc, on regarde en fonction du nombre de processus utilisés, comment ça se passe, quel temps ça prend, etc. Donc, le but, c'est qu'on aille le plus vite possible quand on augmente le nombre de processus. Et donc, on appelle ça passer à l'échelle. Si ça se passe pas bien, on appelle ça mal passer à l'échelle. Donc, l'étape suivante, c'est de prendre une application qui va à cette échelle et de collaborer avec des spécialistes de cette application pour avoir l'application qui passe à l'échelle sur toute la machine. Donc, ça, ce serait vraiment le truc dingue. Et tu penses que ce sera possible dans un avenir proche ou? Ah, je sais pas, j'espère. J'ai quelques collaborations. Je sais pas si, je pense pas qu'ils visent d'utiliser toute la machine, mais, si, pourquoi pas, si. Alors, on a eu juste une remarque dans la chatroom que je voulais dire de Lutine qui nous dit c'est hyper badass, je veux faire tourner ces grosses machines à leur plein régime. Est-ce qu'il y a une idée est-ce qu'il y a une limite physique à un moment? C'est marrant, on m'a posé exactement la même question hier soir sur la taille des télescopes, mais du coup, je te pose la même question sur les ordinateurs. Est-ce qu'il y a une limite physique à un moment qui fait qu'on va pas pouvoir aller plus grand? Alors, il y a plusieurs limites auxquelles on est actuellement, on est aussi en train de regarder pour pas trop s'en approcher, pour limiter l'approchement de ces limites. Il y a une limite au niveau de l'approvisionnement en électricité, parce qu'il y a un white paper aux États-Unis qui est sorti avec des guidelines et ils disent voilà, la machine à exascale, il faut pas qu'elle dépasse 20 mégawatts. Alors, il y a une machine japonaise actuellement au top 500 qui a 30 mégawatts. Mais ça commence juste pour déjà... donner une comparaison, c'est genre une centrale nucléaire, c'est combien par exemple? Je peux chercher, si t'as pas la réponse, pardon, je te prends. Vas-y, continue. Ouais, je vais chercher. Les centres de calcul actuellement, ils ont plutôt de 1 à, enfin, sauf les vraiment très gros, ils ont plutôt de 1 à 5 mégawatts, pour comparer. Une maison, par exemple, on peut comparer à une maison. Alors, juste à parler de white paper, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? C'est un article où un espèce de gros article où va y avoir des consignes, un petit peu, des constatations, c'est un rapport, un gros rapport. Donc une maison de 100 mètres carrés, ça va en électrique, tout chauffage électrique, etc. C'est 15 600 kWh. Donc maintenant on va diviser par le nombre d'heures. Ouais, une maison électrique, une maison avec chauffage électrique, etc. De 100 mètres carrés, ça fait 1,8, ça consomme 1,8 kW. Ok, d'accord. Et ok. Donc et j'ai regardé une centrale nucléaire, c'est environ 1000 mégawatts. Du coup, ça fait 500 supercalculateurs. Oui, oui, ça commence à être impactant quand même sur la production nationale, quoi. Ouais, donc c'est alors on a aussi, alors ça c'est plus pour les électroniciens, mais au niveau de la complexité des circuits, des microprocesseurs, etc. Quand le circuit est plus gros, donc si on essaye d'avoir des puces avec beaucoup de cœurs, etc. Là, on arrive, je pense qu'on a déjà dépassé, je sais pas. On arrive aux limites des approximations sur ce qu'on est capable de calculer sur des circuits électroniques. Après, ça dépend comment ça va évoluer, parce que va y avoir la taille des machines va être une contrainte, mais est-ce que les machines vont être de plus en plus grosses ou pas? On constate que c'est plutôt pas le cas. Les machines sont pas vraiment de plus en plus grosses. Elles sont plus puissantes, mais au sol, elles prennent pas tant que ça de place. Mais parce que là, on peut aller de plus en plus gros ou de plus en plus miniature, mais enfin, il y en a un qui va être plus rapidement limité que l'autre, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, on va être limité à l'atome. Enfin, voilà, on va pas pouvoir commencer. Enfin, plus exactement, on peut imaginer qu'un centre de calcul, on peut le faire tenir sur 800 km², c'est... Oui, avoir des gravures plus ouais. Fines qu'un Angstrom, ça va être un petit peu compliqué. Mais oui, on a des problèmes de finesse de gravure. Maintenant, donc ça, cette limite-là, on va l'atteindre plus vite. Maintenant, si on se limite par ça, on va avoir peut-être des limites au niveau de la taille, mais on n'en est pas encore là sur l'espace, enfin sur l'étalement et des supercalculateurs sur la place qu'ils prennent au sol. D'accord. Alors, on parle de taille de machine. Pour finir, j'aimerais savoir si tu as des anecdotes à nous raconter sur être chercheuse en info. Par exemple, des idées reçues complètement fausses ou bien des trucs que des gens peuvent absolument pas imaginer sur être chercheur en informatique ou des thématiques sur lesquelles tu travailles. Alors, sur le côté anecdote, quand j'ai commencé à faire du calcul haute performance, il y avait une légende urbaine qu'on se racontait tous à l'école. On disait, c'était sur la consommation énergétique des machines. Donc ça, c'est vraiment très coûteux en énergie, une machine, donc pour l'alimenter et pour la refroidir aussi. Et donc actuellement, là, quand on arrive à des dizaines de mégawatts, on cherche à limiter la consommation. Mais il y a 15 ans, j'ai entendu pas mal de choses. Donc par exemple, la machine qui est à Los Alamos, elle consomme autant que la ville de Los Alamos, ou elle consomme la moitié de la consommation électrique du Nouveau-Mexique. J'ai entendu aussi des histoires comme quand on l'allume, les lumières vacillent dans la ville, des choses comme ça. Alors, en réalité, j'ai regardé les chiffres pour voir où on en est. Donc, à Los Alamos en particulier, la salle machine, elle a actuellement un approvisionnement de 40 mégawatts, qui sera étendu à 60 mégawatts d'ici 2025 pour les nouvelles machines. Et le laboratoire entier, donc le laboratoire national de Los Alamos, il consomme actuellement 116 mégawatts, qui vont étendre à 200 mégawatts avec un maximum atteignable à 233 ou 266 mégawatts. D'accord ? On vous mettra le lien. Alors, c'est beaucoup, mais maintenant, comparons au Nouveau-Mexique, donc où se trouve la ville de Los Alamos. Donc, le Nouveau-Mexique, il a des capacités de production qui génèrent 35 TWh sur l'année. Donc, si on divise par le nombre d'heures dans une année, ça fait environ, en moyenne, 4 gigawatts, avec une capacité de 8,77 gigawatts en été. Donc ça, faut le rapporter aux 40 ou 60 mégawatts du centre de calcul, et pas uniquement de la machine. On est loin d'être dans les mêmes proportions et d'être dans les mêmes ordres de grandeur. Donc, à l'échelle même d'un État comme le Nouveau-Mexique, la consommation, on la sent pas, la machine. Enfin, on parle de 1%. Alors ensuite, on avait quelques questions, il me semble, de la chatroom encore. Qu'en est-il des ordinateurs quantiques? Je pense que c'est par rapport à ce que tu as dit juste avant. Il y a beaucoup de travaux dessus, on commence à voir des machines. C'est tout un domaine énorme et j'ai vraiment hâte de pouvoir mettre les mains dedans. C'est l'algorithmique elle-même est différente, etc. Les machines sont différentes. Il y a des applications qui sont différentes parce qu'on ne pouvait pas y toucher avant. J'ai vraiment hâte de pouvoir approcher ça. Alors pour le moment, j'ai jamais travaillé dessus. Je suis vraiment pas spécialiste, mais je sais que tout est différent et ça va changer beaucoup de choses. Et donc, t'espères que tu travailleras dessus dans le futur. J'aimerais bien. Par exemple, parce que j'ai une idée reçue justement sur les ordinateurs quantiques, on l'a dit avant, pour éviter les synchronisations justement. Donc ça veut dire qu'avec ces ordinateurs quantiques, on pourra faire des calculs de synchronisés ou des trucs comme ça? Oula, ça je sais pas. Ok. Mais oui, il y a des propriétés du fait que qu'on est dans des états quantiques et pas juste des bits qui changent beaucoup de choses. C'est ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. On a une autre question aussi de The Question 2 dans la chatroom qui parle notamment des projets de particuliers mutualisés comme City at Home. Alors, si vous voulez entendre parler plus en détail de City at Home, on en avait parlé dans une roue libre où, avec Johan, on avait parlé du télescope d'Arecibo de Porto Rico et qui était le télescope qui générait une partie des données de City at Home. Donc, allez écouter cet épisode si vous voulez en savoir plus. Et la question du coup liée à ça, c'était les projets de particuliers mutualisés type City at Home, c'est beaucoup par rapport à ces gros ordis centralisés ou pas? C'est beaucoup, mais par contre, City at Home, ça n'est utilisable que pour un certain modèle de calcul, parce que ce qu'on fait avec les donc ce qu'on appelle de l'opportunistique supercomputing, c'est-à-dire qu'on va utiliser de façon opportuniste des cycles de votre ordinateur quand il n'est pas utilisé, il n'est pas en train de calculer. Et alors, le truc, c'est qu'on va vous envoyer un petit peu de calcul à faire et vous allez faire le calcul et vous allez envoyer le résultat. Mais vous n'allez pas pouvoir communiquer avec les autres utilisateurs de City at Home. Donc, il faut qu'on découpe le calcul de telle sorte pour que il soit découpé en phases indépendantes, en petits calculs indépendants. L'autre chose, c'est que comme on ne maîtrise pas votre machine, l'ordinateur sur lequel vous êtes en train de tout faire tourner, qu'est-ce qui nous dit que vous avez fait le calcul correctement? Qu'est-ce qui nous dit que vous n'allez pas modifier le programme qui fait tourner le calcul? Qu'est-ce qui nous dit que vous n'allez pas renvoyer un truc bidon juste pour dire que vous avez fait le calcul très rapidement, etc. Du coup, il y a des techniques de réplication, de comparaison des scores, de comparaison des résultats, de scores de confiance, etc. qui sont faits, qui font que en fait, on n'utilise pas si on a 1000 ordinateurs dans un projet City at Home, on n'a pas 1000 fois la puissance de ces ordinateurs. On est très en dessous parce qu'on va répliquer des données plein de fois. D'accord. Et une autre question liée à ça, l'ensemble des smartphones du monde, c'est combien d'exaflops? Les smartphones sont très très puissants actuellement. Par contre, faudrait voir combien il y a de smartphones dans le monde. Je sais pas, on est peut-être à 5 milliards de... On peut faire un calcul, hein. Combien il y a de smartphones dans le monde? Est-ce qu'on compte les smartphones qui traînent dans les tiroirs parce que plus personne ne les utilise? Ouais, c'est... Alors là, j'ai un truc qui dit... Le nombre d'utilisateurs de smartphones devrait passer à 1,5 milliard en 2014... Non, 2,5 milliards en 2014, 2,5 milliards... En 2019. Donc on est autour de entre 2 et 5 milliards quoi, ça donnera un ordre de grandeur. Donc à peu près la puissance cumulée de tous les smartphones dans le monde, donc les 2,5 à peu près smartphones dans le monde, ça fait à peu près en 2 exaflops. Voilà, et je sais pas si on avait d'autres questions dans la chat room ou dans l'équipe. Non, très bien. Mais je te redonne la main, Johan, du coup, pour aller vers la citation. Merci beaucoup. C'était très intéressant et du coup, je propose qu'on passe à la citation de ce soir. Je pense que tu en as ramené une. J'ai fait mes devoirs. J'ai une petite citation qui est d'un informaticien néerlandais qui a inventé beaucoup de choses, qui s'appelle Edgar Dijkstra. Et qui dit « L'informatique n'est pas plus la science des ordinateurs que l'astronomie n'est celle des télescopes. » Voilà. Ah, je vois que ça vous fait rire, c'est un classique, je suis pas allé chercher très loin. Pas mal. Alors en fait, c'est rigolo parce que moi, je l'ai dans ma thèse, celle-là, parce que moi, je suis un astronome qui fait des télescopes, donc en fait, je fais partie de ces gens-là qui sont astronomes et qui font les télescopes, donc ça veut dire que c'est l'intégralité de ce qu'on fait, mais il y en a qui font ça, effectivement. Mais du coup, ça m'a toujours fait rigoler cette citation parce que je fais partie de ceux qui sont... Voilà. Et puis c'est vrai pour plein de sciences en fait. On a toujours une espèce d'association entre une science et quelque chose en particulier, alors que c'est pas forcément toujours le cas. Ouais, mais je pense que cette citation elle parle un petit peu de le fait que t'aies fait des télescopes, ça illustre un peu ce que je vais dire. C'est l'ordinateur et le télescope, c'est des outils, mais on veut des outils qui soient performants pour ouais. accomplir la tâche qui est l'informatique, l'astronomie, qui est d'avoir des résultats. Donc construire des outils pour faire de la science, c'est aussi quelque chose de très très important. Mais dans ce cas-là, la construction de l'outil est au service de la science et aussi un petit peu intégré à la science. Mais si tu dis c'est la science des ordinateurs, le fait de faire un ordinateur, c'est dans le but de faire de l'informatique et de faire des calculs. Et donc tu vas concevoir un ordinateur dans l'objectif d'avoir certaines propriétés, de travailler sous certaines hypothèses, etc. Donc là, t'es quand même dans un contexte scientifique. Oui, non, je totalement, je comprends. Et puis il y a aussi le fait, je pense que autant dans ton cas que dans le mien, c'est quasiment de l'artisanat en fait. C'est-à-dire que tu vas faire une machine qui a un usage unique et qui finalement va pas être reproduite à beaucoup d'exemplaires, voire même beaucoup souvent, c'est des pièces uniques en fait. Donc c'est assez particulier aussi là-dedans. Ouais, c'est assez marrant si t'étudies un petit peu le top 500. Donc t'as des machines, les machines tout en haut, c'est des pièces uniques, ça c'est clair. Et après t'as quelques pièces uniques, et puis t'as quelques cas, t'as quelques machines qui sont reproduites. Alors tu vois, t'as la version grosse, tu vas trouver 30 exemplaires d'une version grosse, et puis tu vas trouver 20 exemplaires d'une version qui ressemble, et en un petit peu plus petite, etc. Donc c'est, j'irai pas jusqu'à dire que dans ces ordres de grandeur-là, on a de la production en série, mais c'est marrant, t'as un petit peu les deux quand même, et t'as un petit peu le côté, on a fait une machine très puissante, maintenant, on sait comment ça fonctionne et on va faire une version, je dirais pas à grande échelle, mais à une petite échelle, mais quand même à une certaine échelle qui va permettre de le vendre à des gens. Du coup, t'as genre le top 500, t'as de 220 à 250, c'est la même machine, quoi, par exemple. Ouais. D'accord. Ok. Très bien. Et merci beaucoup. Je vous rappelle du coup que le quiz du mois est un peu en pause. Nous attendons vos propositions et nous proposerons une quiz à résoudre pendant les vacances. Donc, donnerons la solution à la rentrée. La semaine prochaine, venez nombreux. Nous parlerons de nos recommandations pour l'été. Donc, podcasts, livres, films, séries. J'en ai peut-être oublié, musique, je sais pas s'il y a des, voilà. Ouais, Camille, t'as peut-être des choses à nous proposer d'ailleurs aussi, là-dessus. Allez, on peut faire comme les couilles sur la table. Quelle est une recommandation d'une œuvre qui t'a beaucoup touché récemment? Ou pas. Désolé, on prend des pourvus. En plus, ça, sans tomber dans les clichés nerds. Ok, bon, tu pourras nous la donner après, puis on l'ajoutera à l'émission de la semaine prochaine. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu. Donc, on espère que ça vous a plu, cet épisode d'informatique. On en fait trop rarement. La semaine prochaine, on se retrouve pour le dernier épisode de la saison. Et en attendant, que servir la science soit votre joie.